بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le 13e cours dans l'explication des règles du mariage tiré du livre toujours منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين de l'imam السعدي رحمه الله. Hier, on a abordé le sujet des femmes interdites au mariage par la cause des liens de parenté. Et pourtant, nous n'avons pas cité les filles des oncles, c'est-à-dire nos cousines. On n'a pas cité qu'il est interdit à l'homme de se marier avec sa cousine. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interdiction à cela. Tout simplement parce qu'il n'est pas interdit à l'homme de se marier en islam avec sa cousine. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il cite à son prophète sallallahu alayhi wa sallam les femmes qui lui sont légiférées, et parmi celles-ci, il dit wa banati ammika wa banati ammatik, et donc les filles de wa banati ammika wa banati ammatik, et donc les filles de ton oncle et les filles de tes tantes, et donc de tes tantes paternelles et de tes oncles paternels, et aussi même chose pour les oncles maternels et les tantes maternelles. Et donc il a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, barakallahu fikum, nous savons que la règle de base, c'est que ce qui est permis au prophète est permis, ce qui est permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam est permis à sa communauté, sauf preuve du contraire, sauf s'il y a une preuve qui montre le contraire. Et donc si un musulman ici en Martinique, un musulman veut se marier avec sa cousine, un musulman qui veut se marier avec sa cousine qui est musulmane ou chrétienne, est-ce que cela lui est permis ? En islam, oui, cela lui est permis. Cela lui est permis. Donc, mais attention, moi ce que je conseille aussi, barakallahu fikoum, c'est de faire attention aux conséquences. Parce que ici, chez les chrétiens, eux, ils voient que cela n'est pas permis. Ici, eux, ils voient que cela n'est pas permis. Et donc le fait que tu te maries avec ta cousine, il faut par la suite assumer les conséquences au niveau de la famille. Il faut assumer cela. Et donc, barakallahu fikoum, mais en tout cas, dans tous les cas, on ne peut pas dire que la personne a fait quelque chose d'interdit. Parce que cela est permis en islam. Cela est permis. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, وَسَبْعٌ مِنَ الرِّضَاعِ نَظِيرُ الْمَذْكُورَاتِ. Et donc il a cité sept femmes qui étaient interdites par la cause, interdites au mariage par la cause des liens de parenté. Et ensuite il nous dit, et sept autres, donc sept femmes encore, par la cause de l'allaitement, qui sont comme celles qui ont été citées précédemment. Et donc les mêmes femmes qui ont été interdites précédemment par la cause des liens de parenté seront les mêmes qui seront interdites par la cause de l'allaitement. Et donc on a la mère de lait, elle sera interdite. Et donc il est interdit à l'homme musulman de se marier avec sa mère de lait. Qui est la mère de lait ? La mère de lait, c'est celle qui t'a allaité. Il se peut que ta propre mère, celle qui t'a enfanté, elle t'a allaité, mais il se peut qu'une autre femme t'a allaité. Et donc cette femme qui t'a allaité en islam, c'est ta mère de lait. Et donc cette femme, elle t'a interdite, ainsi que sa propre mère à elle, ainsi de suite. Et donc toutes ces femmes-là sont interdites. La femme de lait, sa mère et sa grand-mère, ainsi de suite. On a aussi, donc deuxièmement, la sœur de lait, puisqu'on a vu chez les liens de parenté, on a vu la mère et la sœur. Donc ici, ça sera la sœur de lait. Qui est la sœur de lait ? qui est la sœur de lait. La sœur de lait, c'est soit celle-ci, c'est soit celle qui a été allaitée par ta propre mère. Ça peut être une femme ou une voisine. Quand elle était jeune, elle a été allaitée par ta propre mère. Souvent, aujourd'hui, lorsqu'on aborde ce genre de sujet, les gens peuvent se demander comment ça a allaité par une autre que sa mère. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a le biberon, on a du lait d'usine, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas cela. Donc la femme qui avait des problèmes pour allaiter son enfant confiait son enfant à une autre femme qui, elle, pouvait allaiter son enfant. Et donc, à partir de là, cet enfant, donc en islam, il devenait donc l'enfant de lait de cette femme qu'il allaitait. La nourrice, barakallahu fik. Et donc la sœur de lait, ça va être celle qui a donc été allaitée par ta mère, ou alors celle dont toi, tu as été allaité par sa mère, ou alors celle dont toi et elle, vous tous les deux, vous avez été allaités par une tierce personne, par une autre femme, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et la preuve concernant ces deux types, les deux premiers types qui ont été cités, la mère de lait et la sœur de lait, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a » Et donc parmi celles qui vous sont interdites, vos mères qui vous ont allaité, ainsi que vos sœurs d'allaitement. Et donc ces deux types qu'on vient de voir sont cités dans le Coran. Et l'auteur nous a dit qu'il y en a cinq. Où sont les cinq autres? Les cinq autres sont dans la sunna, dans les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les cinq autres, parmi eux il y a la fille du frère de lait. Qui est la fille du frère de lait? Qui m'explique la fille du frère de lait? On va voir si vous suivez. La fille du frère de lait, c'est la même chose. C'est-à-dire, donne-moi un exemple. Voilà, barakallahu fik. Et donc, ça va être la fille... Donc de ton frère de lait. Ton frère de lait, c'est celui qui a allaité, donc qui a été allaité par la même femme qui t'a allaité toi. Ou alors, il a été allaité par ta mère. Ou alors, toi, tu as été allaité par sa mère. Ainsi de suite. Attention, il se peut que un individu, on va prendre encore l'exemple, Issa Suleiman. La mère de Suleiman, il se peut qu'elle n'ait pas allaité Suleiman. Il se peut qu'elle ne l'ait pas allaité. Mais par contre, elle a allaité Issa, qui n'est pas son fils. Suleiman, c'est son fils, elle n'a pas pu l'allaiter. Pour une raison quelconque. Et ensuite, Issa, qui n'est pas son fils, elle a pu l'allaiter. Est-ce que les deux sont frères de lait? Oui, ils sont frères de lait. Ils sont tous les deux frères de lait. Ce n'est pas une condition que tous les deux... est donc été nourri par le lait de cette femme. Donc il y en a déjà un, c'est son fils, c'est elle qui l'a donc enfanté et engendré, et le deuxième, elle était donc sa nourrice. Les deux sont frères de lait. Ensuite, on a le quatrième genre, qui est la fille de la sœur de lait. C'est la même chose. Tout à l'heure, on a vu la sœur de lait qui nous est interdite, maintenant, sa fille. On a la tante maternelle de lait. La tante maternelle de lait. Ou la tante, excusez-moi, paternelle. El amma. La tante paternelle de lait. C'est qui? La tante paternelle de lait. Barakallahu fik. Celle qui a été allaitée par la mère de ton père. Ou alors ton père a été allaité par sa mère. Ou alors les deux ont été allaités par une autre femme. Et donc ils sont tous les deux des frères de lait. Et c'est ta tante de lait. Toyib. On a le khala, c'est la même chose. La tante maternelle cette fois-ci. La tante maternelle de lait. Et enfin, on a donc la fille de lait. Il t'est interdit de te marier avec ta fille de lait. C'est quoi ça? Ça, c'est des termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. La fille de lait. Fille de lait. Pas ta fille, ta fille de lait. Le terme fille est cité. De lait est cité. Alors, comment ça, ta fille de lait? Voilà. Ta fille de lait, c'est-à-dire, c'est ta femme a allaité une fille. Cette fille devient sa fille de lait et toi aussi. Elle devient ta fille de lait. D'accord? Et donc, toi, il t'est interdit de te marier avec cette fille. Il t'est interdit de te marier avec elle par la suite. Interdiction formelle et à vie. Et la preuve de ces cinq, parce qu'on avait cité deux autres, les deux premières, la mère de lait et la fille de lait qui sont citées dans le Coran, et concernant les cinq autres, eh bien, c'est tout simplement dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme dans Sahih Muslim, يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَى مَنْ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. Il est interdit par la cause de l'allaitement ce qui est interdit par la cause des liens de parenté. Et donc toutes les femmes qui vont être interdites à un homme par la cause des liens de parenté, on va lui dire que les mêmes types de femmes lui sont interdites par les causes de l'allaitement. Avant de finir, bon, il y a une question qu'il faut se poser quand même. L'allaitement, c'est général. C'est général. Est-ce que ça veut dire que un enfant, il va venir, il va donc s'accrocher au sein de sa nourrice une fois, il va aspirer le lait. Ça suffit? C'est devenu le fils de lait? Ou est-ce qu'il y a une limite en cela? Il y a des conditions, barakallahu fikoum. La première condition, donc la vie le plus juste, c'est qu'il faut allaiter l'enfant 5 fois minimum. 5 fois minimum. L'imam Muslim, rahimahullah, il cite dans son sahih, d'après Aisha radiallahu anha, qui dit « Kana fi ma unzila min al-Qur'ani ashru rara'at » Et donc, parmi les versets qui ont été révélés dans le Coran, ou parmi les informations qui ont été révélées dans le Coran, parmi les éléments qui ont été révélés dans le Coran, le fait qu'il y ait 10 allaitements. 10 allaitements. Ashru rada'at yuharrimna. Et ces 10 allaitements interdisaient ou empêchaient, interdisaient à l'homme de se marier avec la femme. ثُمَّ نُسِخْنَا بِخَمْسِنْ مَعْلُومَتِ. Et ensuite, ces 10 allaitements ont été abrogés. Donc, le verset a été abrogé par la suite. On a plusieurs formes d'abrogation. On a l'abrogation concernant le jugement. On a l'abrogation concernant le jugement et le texte. Ça veut dire que le verset lui-même, on ne le voit plus aujourd'hui dans le Coran. Aujourd'hui, tu lis le Coran, tu ne verras pas un verset qui te parle. Donc, d'allaiter l'enfant 10 fois. Parce que ce verset a été abrogé concernant le jugement et le texte. Donc les seules sources qu'on a de ce verset coranique, ce sont les compagnons qui nous rapportent le fait que ce verset-là existait. Et ce n'est pas que concernant l'allaitement. Il y a aussi d'autres sujets dans cette forme d'abrogement. Tayyib. Et donc Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit que il y avait donc 10 allaitements, le fait d'allaiter l'enfant 10 fois, cela interdisait, cela faisait que il lui était interdit de se marier avec cette femme. Puis cela a été abrogé par 5 allaitements connus. Et donc il faut que l'enfant ait été allaité 5 fois. Mais ça veut dire quoi allaiter 5 fois? C'est quoi la limite en fait? Est-ce que allaiter 5 fois, ça veut dire l'enfant, il va aspirer le lait une fois, ensuite une deuxième fois, ensuite une troisième fois, jusqu'à 5 fois, ça et c'est bon? Ou alors, est-ce qu'on va dire que l'enfant, il allait, ensuite dès qu'il a besoin de respirer, il s'arrête, il respire, ensuite il revient, il continue à allaiter, Ah, là, ça fait un allaitement ou alors autre chose. Les savants ont abordé ce sujet et le Cheikh Ibn al-Taymiyyah rahimahullah, il nous dit la vie la plus juste ici, c'est un repas complet. Ça veut dire, l'enfant, il est venu, il a pris le lait, ensuite il a arrêté, mais ensuite il a repris le lait, ensuite il a arrêté, il a repris le lait, jusqu'à ce qu'il ait un repas complet, il arrête. Ça, c'est un allaitement. Ça, c'est un allaitement. L'allaitement, donc, un allaitement, ou le fait d'allaiter l'enfant une fois, va représenter un repas. Va représenter un repas pour cet enfant. Et donc ça, c'est mis en condition pour que l'allaitement fasse que la femme devienne interdite à cet homme. Aussi, deuxième condition, c'est que l'allaitement se passe, une autre condition encore, c'est qu'il faut que l'allaitement se fasse pendant qu'il soit petit. Un enfant en dessous des 2 ans, si on se base sur la vie, le plus juste, inshallah ta'ala, il faut qu'il ait moins de 2 ans pour que l'allaitement soit valable. Au-dessus, l'allaitement n'a pas d'impact. Il ne va pas interdire. Pourquoi ? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a. Les mères vont allaiter leurs enfants durant 2 périodes, c'est-à-dire 2 ans complets pour celui qui veut compléter l'allaitement, celui qui veut avoir un allaitement complet. Et donc c'est 2 ans. La limite, elle est de 2 ans. L'enfant, si une femme décide d'allaiter un enfant à 5 ans, est-ce que cet enfant est son enfant de lait? On va dire non. Le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, il nous dit, si on ne disait pas qu'il y a une limite, si on disait même d'ailleurs que même l'adulte, s'il est allaité plusieurs fois, 5 fois, alors la femme lui devient interdite, alors là, beaucoup de femmes auraient pu ruser contre leur mari. Si une femme, elle n'en peut plus de son mari, elle ne veut plus le voir, alors elle va lui donner 5 fois un bon verre de lait complet, mais son lait à lui, et elle lui fait boire sans lui dire, et lorsqu'elle a vu que 5 jours d'affilée, il s'est bien nourri de son lait, elle lui dit, salam alaikum. Voilà, c'est fini. Et donc, ici, il est important de comprendre qu'il y a une limite. Quelle est cette limite, barakallahu fikoum? C'est 2 ans. 2 ans. Au-dessus des 2 ans, ça ne marche pas. Et maintenant, si quelqu'un nous demande, mais elle est où la différence entre 2 ans et 3 ans? Pourquoi? Qu'est-ce que... Là, on va dire, stop, stop, stop. Ça vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui a décrété que c'est comme ça. Nous, nous soumettons. Ne me demande pas pourquoi, comment, est-ce que... C'est Allah, il nous a décrété que c'est comme ça. Nous nous soumettons, c'est tout. Naam. La vie le plus juste, parce qu'il y a certains savants qui vont te dire qu'on ne se base pas sur 2 ans, mais on se base sur à partir du moment où l'enfant, il a arrêté de prendre du lait. Parce qu'il y a des enfants qui vont arrêter avant. Certains enfants, au bout d'un an, ça y est, il ne veut plus être allaité. Il ne veut plus. Et donc, certains savants vont nous dire, cet enfant qui a arrêté le lait au bout d'un an, si on lui donne après cela, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Il y a un autre avis de certains savants qui nous disent que c'est possible même pour l'adulte. C'est possible même pour l'adulte. Mais c'est un avis qui est très lointain. Très lointain, barakallahu fik. Et donc la vie, c'est pour ça que je précise, la vie le plus juste, ce sont les 2 ans. Pourquoi ? Par rapport au verset du Coran. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayn. Les mères vont allaiter leurs enfants pendant deux périodes, c'est-à-dire 2 ans complets. Tayyib. Alors, ensuite, l'auteur qui nous dit et nous avons 4 types de femmes qui sont interdites par l'alliance. 4 types de femmes qui sont interdites, barakallahu fikum, par l'alliance. Ça, on va voir ça, inshallah ta'ala, demain, biznillah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.